Donc, guys, bienvenue au Geek Collectif, le podcast. Mon nom est André Paquette, accompagné ce soir d'Éric Hébert. Allô, André. Hey, Éric, on est quelque part d'un peu inusité ce soir. On est où? C'est pas mal cool, quand même. Un très beau bureau chez Unity 3D Montréal. Ben, effectivement, on a eu le plaisir de se faire accueillir par André et sa gang ici bonjour, chez André. Unity. Ben, bonjour, André. Ouais, hein? Ça va faire, je m'habitue tout au long de l'entrevue. Ouais, bonjour, André. Ben, guys, André. On a eu la chance d'être chez Unity 3D ce soir. On s'en vient jaser avec les gens ici pour voir un peu en quoi consiste Unity, un peu c'est quoi le but de la compagnie. On est dans des locaux à Montréal aussi également. Première conception, je te dirais, André, je vais m'habituer au fur et à mesure de l'entrevue, mais Unity, nous autres, on s'est fait interpeller par Nadine, justement, qui nous a mentionné « Hey, ça vous tente-tu de venir enregistrer? » Puis là, moi, je commençais à évaluer les coûts de billets d'avion, puis commençais à penser à un scénario où au pire, on part en char, on fait un méchant road trip. Unity est à Montréal. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes à Montréal? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans juste à peu près. Quand il y avait... Ben, ça fait un petit peu plus longtemps que ça, en fait, parce que il y a à peu près 6 ans, Unity a acheté une compagnie qui s'appelait Mécanim, qui faisait de l'animation. Puis c'était 3 gars qui étaient, je dirais, québécois. Donc, il y avait une personne à Montréal, une personne quelque part dans le nord du Québec et une autre personne à Bromont. Puis ça a été les premiers bureaux, mais il n'y a pas de bureau effectif. Puis il y a 4 ans à peu près, on a démarré les bureaux ici. On était 5. On est 90 maintenant et on continue à grandir. C'est ça. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, hein, c'est cool. Ça fait 4 ans, 90 employés dès maintenant. Mm. Puis le Unity 3D, là, c'est quoi exactement, André? Pour les gens qui nous écoutent, parce que là, tu sais, on va se mettre dans le contexte, là, on prend pour acquis que les geeks connaissent pas mal c'est quoi Unity. Je te dirais que peut-être 80% de l'auditoire va le connaître, mais il y a peut-être 2-3 égarés. On a vu le logo apparaître une fois au début d'un jeu. À un moment donné. C'est ça. Ben, c'est ça, exact. Mais c'est un brand ou c'est une marque qui n'est pas super connue par les usagers finaux. Sont connus par les gens qui produisent des jeux, surtout les indies, surtout ceux qui produisent des jeux sur du mobile. Unity, ça a été fondé il y a, écoute, ça fait un bout de quoi, c'est 12? 2006, ouais, c'est ça, à peu près 11-12 ans. Au Danemark, par une gang de... des gars gauches, tu sais, des gens qui aiment l'idée de démocratiser les affaires, de faire ça, tu sais, la nouvelle génération. Et puis, c'était une gang qui a fondé ça. Ils essaient de faire un jeu sur un Mac. Puis, ils ont fait le Game Engine. Ils ont développé ça. Puis, à ce moment-là, un peu après, l'iPhone est apparu. Puis, ils ont décidé de porter leur engine pour le faire rouler sur l'iPhone. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça a démarré. Il n'y avait pas d'engine pour faire du 2D, du 3D sur les téléphones mobiles. Puis, il y avait un besoin énorme. Et ça a explosé à partir de là. Parce que le gaming, on le connaît en AAA sur du PC, mais le nombre de jeux qu'il y a sur un iPhone, c'est hallucinant. Fait que, eux autres, quand ils ont fondé ça, ça a vraiment créé une opportunité. Puis, le mode de distribution... Quand tu fais du AAA, quand tu es un Ubisoft, quand tu es un distributeur de jeux au départ, ils sont des producteurs de jeux, mais ils sont des distributeurs de jeux. Fait que qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils imprimaient des CD, des DVD, puis ils mettaient ça chez Walmart. Ils s'assuraient de créer des enveloppes, puis ils créaient ça. Fait que ils créaient le jeu, mais il y avait tout l'organe de distribution. Fait que c'est compliqué parce que c'est pas donné à tout le monde de faire ça, d'avoir un deal avec Walmart, d'imprimer des CD puis des DVD, puis ça coûte cher. Quand les téléphones cellulaires sont arrivés, le mode de distribution, acheter une app, t'achètes ça sur l'Apple Store. Fait que en termes de distribution, t'as pas besoin de faire rien de spécial. Tu publies ton app, tu le fais accepter, puis tu le pars. Fait que quand Unity a permis à ces gens-là de créer leurs games puis qu'ils roulent sur un app, tout le monde s'est mis à publier des jeux. Fait que Unity, c'est le moteur permettant à des gens créatifs de créer des jeux. Au départ, des indies, du iPhone, tout ça. Maintenant, 31 plateformes, donc... Ouais, c'est un des engins les plus... C'est l'engin. Ouais, c'est l'engin le plus... En fait, on est plus utilisé que tous les autres engins là, par un ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est 10 fois. Là. C'est pas c'est l'engin le plus utilisé. Mais c'est drôle parce que pendant un bout de temps avec le marché du téléphone, c'était quasiment comme 5 ans après que les téléphones intelligents étaient vraiment sur le marché, que tu voyais des Unreal, tu voyais des IdTech, tu voyais les autres qui étaient comme « Ah, oh, ok, ouais, peut-être on devrait avoir une version pour ça. » Puis ça faisait déjà des années, on dirait quasiment par bon moment, où ce que les gars de Unity étaient à bonne place au bon moment. Exactement. Aussi pour que ça pogne. Là, puis c'est exactement ça. Puis il y a un côté... quand j'ai joint Unity... je connaissais Joachim, mais c'est Joachim qui est un des fondateurs. Là, il y avait Francis, il y avait David, puis il y avait Joachim qui ont fondé Unity. Puis j'ai eu la chance, là, parce que j'étais dans le domaine, de rencontrer Joachim à Montréal un peu avant. Puis c'est notre CTO maintenant. Puis c'est le même gars, il vient coder avec tout le monde, les cheveux longs. Un passionné, là. Ah oui. puis lui, l'aspect corporate, l'aspect, c'est pas, ça n'a jamais été son bag. Ce qu'il voulait faire, c'est faire les bons jeux, tout ça. Mais c'est un gars aussi têtu. Ça, on ne fera pas ça. Ça, on va faire ça. Ça, on ne fera pas ça. Puis, cet aspect-là, un peu sans compromis, c'est aussi ce qui a permis à Unity d'être ce qu'il est. Puis, je le regarde encore aujourd'hui, puis il y a cette même mentalité-là, de faire la bonne affaire. Fait que c'est un gars de vision très claire. Lui, dans sa tête, le chemin est pavé, puis... Non, il est pas tant... Ben, il est pas tant le gars qui a envie de déclarer les 5 prochaines années, mais il dit là, le problème qu'on a réglé maintenant, c'est ça qu'on a réglé. Okay. C'est ça qu'on va faire. OK? Parce que c'est ça que le problème que les gens ont. On va attaquer ce problème-là, puis là, bon, let's go, on le fait. Et on le fait plus qu'on le fait, il s'installe puis il le fait. Okay, il est très hands-on. Il débarque, il vient s'installer avec le monde, puis lui, c'est sa façon de faire les affaires. Puis il y a combien de branches de Unity présentement, okay, mondialement? On est une grosse gang. Tu as peut-être plus les numéros, Nadine, je te regarde là, parce que besoin d'aide. Mais on est rendu combien? Parce que je connais les gros bureaux, là, mais on est, je sais pas combien de bureaux. Alors, donc, on a le bureau fondateur, je dirais, qui est à Copenhague. On a Vilnius. OK. Hein, Vilnius. Vilnius. Hein, tu connais pas Vilnius. Mais non, ça ben oui. Voir en fait, Vilnius, c'est mauvais. Ouais. donc, 25. Wow. Quand même. On a un bureau à Paris. Okay. Puis ça, c'est plus récent, c'est il y a peut-être 3-4 ans, c'est Sébastien Lagarde, c'est un, pour les geeks, qui aiment le graphique, c'est comme un gars, c'est une référence, dans le domaine du graphique, tout ça, donc il s'est joint à nous avec son équipe qui a monté ça, donc ça a fait le bureau à Paris, San Francisco, on a Seattle, on a à Austin, il y a Montréal qui prend de la place, oui, c'est ça. Séoul, Singapour. C'est ça. Et Unity a toujours été un petit peu... a toujours été distribué. C'est un peu du monde un peu partout. Là, on se regroupe un peu plus là, autour des bureaux. Là, mais ça a toujours été une compagnie bien distribuée. Puis là, le but des bureaux, dans le fond, parce qu'on s'entend, Unity, ça a parti. On a voulu créer un jeu. On s'est rendu compte que finalement, on avait un engin. Ouais. On peut aider des gens à revivre la situation. Le but de ces 25 bureaux-là, vous travaillez sur quoi concrètement dans ces bureaux-là? Ben, écoute, le bureau de Montréal a clairement... Ben, les différents bureaux ont quelque chose. Donc, Copenhague, c'est le bureau de départ. Donc, il y a beaucoup de core à cet endroit-là. Okay. Fait que si tu regardes la R&D, donc la recherche et développement chez Unity, est séparée comme en 5 grosses parties. Tu as une partie service, donc le développement de service. Le développement de service, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas l'engin de jeu lui-même, mais qui permet de bâtir des jeux. Donc... la collaboration, permettre aux gens de collaborer ensemble. Networking, donc permettre aux multiplayer, puis à plusieurs jeux. Bon. La notion de build. C'est quoi un build? C'est quand tu fais un jeu, il faut que tu bâtisses ton. Il faut que tu transformes ton code en jeu lui-même. Puis c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de plateformes. Donc on a ça d'automatiser, les gens le font, puis permettent de faire ça. Donc c'est toute une série de services. Ça, c'est à Seattle que ça a été. Ça a été fondé. Pourquoi? Ben parce qu'on est allé chercher du staff là. Il y avait Microsoft qui faisait du online, ben oui, qui faisait du cloud. Fait que c'est tous des services centralisés. Puis ensuite, il y a il y a quatre autres branches qui ont séparé le core de Unity en quatre. On a une partie qui est les graphics. OK. Graphics, il y avait des gens à Copenhague, parce que hein, tout le mobile, tout ça a été fait là. Il y a des gens à Vilnius puis à Copenhague, ça c'était au départ. Il y a Paris, hein, Graphics, donc avec Sébastien Lagarde. Puis il y a Seattle, qui était des gens de Bungie, puis tout ça. Il y a Natasha Tafachuk qui est en charge du graphics. Fait que lui, il est spreadé à travers ces différents bureaux-là, parce qu'il y a différentes spécialités. Hein, parce que le high-end graphics, qui va se servir sur en AR-VR, ou qui va te servir sur les grosses PlayStation ou sur le PC. Puis tu as toute l'autre version, qui est le support des mobiles. Le mobile, on pense tout aux dernières plateformes, mais il y a plein de gens qui achètent des vieux téléphones, des vieilles technologies parce qu'elles sont gratuites, 10$ ou tout ça. Puis si tu parles au marché de la Chine, fait que 50% de ton parc de mobile, 60% de ton parc de mobile, c'est pas du dernier cri. C'est ça, là. Multiproc, là. Il y a un paquet de choses qui sont là. Fait que, donc, Graphics doit gérer ça. Puis on a une gang qui s'appelle Plateforme. OK. Plateforme est aussi distribuée parce que Plateforme, on a 31 plateformes. C'est-à-dire on a le Xbox, le PS4, les TV, le PC, le Mac, le... Bon, t'en as... c'est le même engin sur les 31 plateformes? C'est le même engin sur les 31 plateformes. Puis... D'où le nom. Ouais, Unity, exact. Mais c'est débile ce que ça demande. Ouais, ça veut dire que de l'extérieur, tu le vois peut-être pas, mais ça veut dire que quand quelqu'un écrit du code pour l'engin, tu vas pas l'essayer sur 31 plateformes, là. Je veux dire, tu peux pas prendre des humains puis essayer chaque bébelle que tout le monde écrit. Là, on est beaucoup de monde à écrire du code là, chez Unity. Fait que ça amène l'autre barre qui est le core. Donc, le core, il y a l'équipe graphique, il y a l'équipe plateforme. L'équipe plateforme, eux autres, s'occupent de ces 31 plateformes-là. Donc, toutes les diversités de chacune de ces plateformes-là. Parfait, mais ils sont supportés par l'équipe de Core. Le Core fait l'engin lui-même, la base, le fait que ça saute, que ça fonctionne. Puis cet engin-là, il faut qu'il soit testé. Il faut que ça, chaque fois que tu fais quelque chose, fait qu'eux autres, on a toute une infrastructure de débiles avec tous des iPhones branchés dans une salle. Avec du monde qui est supervise, ça pour rouler l'engine, puis faire des tests dessus, puis s'assurer que ça roule. Puis ça, c'est tout automatisé pour éviter qu'on ait besoin d'avoir, à chaque fois qu'on fait quelque chose, de tester quelque chose. Fait que ça, c'est l'équipe de Core qui travaille avec l'équipe de plateforme pour faire ça. Puis finalement, il y a l'équipe qui est sous ma supervision à moi, qui s'appelle Features. Puis Features, c'est beaucoup, beaucoup à Montréal, en fait, presque principalement. Il y a une équipe à Singapour, puis il y a deux équipes à Copenhague. Mais on s'occupe de tout ce qui est user-facing. Donc, user-facing, ça veut dire quoi? Pas pour l'usager final, mais je suis un gars, je veux écrire un jeu, qu'est-ce que j'utilise? L'éditeur. Donc, l'éditeur, c'est Montréal. Après ça, je vais faire quoi avec ça? Bien, je vais faire de l'animation. Donc, faire la physique, je vais faire AI, donc l'intelligence artificielle. Je vais faire de visual scripting. Je vais faire du 2D. Je vais faire l'audio, du vidéo. Je vais faire world building. Je vais bâtir des environnements, tout ça. Donc, c'est ce que le bureau de Montréal fait. Donc, c'est beaucoup, beaucoup lié à ce que l'usager... Notre usager à nous, c'est des fabricants de jeux. Donc, notre usager à nous autres, il fait des jeux. Et c'est ce que lui voit, en fait, quand il voit l'éditeur. Fait que vous êtes vraiment le lien entre tout ce qui est la possibilité puis le comment faire en réalité. Donc, le créateur de jeu, le studio de Montréal, est on mentionne studio dans votre podcast. Oui, c'est bon, studio. Fait que le studio de Montréal, en réalité, là, c'est vous autres qui êtes responsables que... ben quelqu'un qui se procure une licence de Unity peut l'utiliser à son plein potentiel, puis que ça soit plus facile ce pour eux autres. Qu'il va voir. Donc, c'est ça. La fonctionnalité, il y a beaucoup de fonctionnalités qui est fournie par les autres, puis nous autres, on s'assure qu'elle soit accessible, visible, puis toute l'expérience de cette personne-là. Ben, j'imagine que vous devez avoir aussi un rôle qui est un peu bidirectionnel, ou en étant que vous concevez la façon que les gens vont utiliser l'outil, ben, j'imagine qu'il doit y avoir du feedback qui revient beaucoup du terrain aussi en disant ben, « Regarde, ça serait le fun qu'on puisse faire ça avec votre engin. » Absolument. Puis comment on gère un processus comme ça? Parce que là, je sais qu'on parlait un peu offline tantôt, tu sais, justement, t'as un fort background dans la création, dans tout ce qui était un peu le domaine du cinéma puis les outils. comment t'en es venu justement, ben, un peu peut-être au bénéfice des auditeurs, à arriver là dans ton rôle? Tu sais, présentement, là, toi, t'es en charge de chez Unity. T'as un gros parcours quand même que je trouvais quand même fort intéressant puis qui apporterait à la conversation. OK. J'arrive d'un univers, on appelle ça le DCC dans le jargon, Digital Content Creation. OK. Autour de 93, on a fondé une compagnie qui s'appelait, on était trois partenaires, une compagnie qui s'appelait Kedara, puis on a fait un produit. À ce moment-là, on avait l'intention de révolutionner, là, je sais pas, la façon dont le cinéma allait faire. J'étais jeune et ambitieux. Puis l'idée, c'était, on regardait les studios, puis on travaillait des équipements physiques, donc comme je dis, des caméras, mais des caméras motorisées qu'on contrôlait. Puis il y avait des systèmes de capture qui commençaient à ce moment-là, on capturait le mouvement humain, tout ça. Puis on avait décidé que ça serait intéressant de connecter toutes ces choses-là ensemble, puis d'en faire quelque chose d'interactif où les acteurs sur le plateau pourraient se voir agir puis avoir les éléments du plateau interagir avec ce qu'ils font. On se disait, c'est la production virtuelle du futur, ça va être ça. On avait créé un produit qui s'appelait Pinbox. Puis on a commencé à régler peu à peu les problèmes de capture de mouvement. Fait qu'on s'est spécialisé en animation parce que quand tu commences à t'intéresser au mouvement humain, ben là, tu t'intéresses au facial, tu t'intéresses aux yeux, à la façon dont on regarde, à la façon dont on bouge, puis à la morphologie humaine. Et fait que c'est le domaine du film au départ, puis c'était la capture n'avait pas de bonne presse. Hein. C'était justement un peu clunky, c'était difficile de transformer le mouvement, puis on a commencé à régler ce problème-là. Puis on s'est intéressé au temps réel. Fait qu'on avait un mini-game engine, en fait, ce qu'on avait fabriqué. Puis le Filmbox est devenu un truc qui s'appelait Motion Builder. Avec le temps, qui est un produit qui a été utilisé beaucoup dans le domaine du jeu vidéo, parce que les gens ont commencé à dans le domaine du sport au départ, puis d'un jeu de kung-fu, puis de capturer des vrais acteurs, des vrais artistes, puis avoir à transférer l'animation sur ça. Puis en même temps, on était utilisé dans le premier film là, de Matrix, l'espèce de mouvement là, où on contrôlait. Ah, c'est vous autres, ça, le Bullet Time. Bullet Time, c'était nous autres. N'importe quoi. Ah, exactement. Ça a quand même eu beaucoup d'influence en plus, cette scène-là, justement. Mais c'était vraiment. Puis c'était des Nikon, attachés, contrôlés. Ouais. Ah, ouais. On a fait tout ça. C'était shooté en Australie. J'avais écrit les drivers pour cette affaire-là. J'avais écrit tout ce qu'il faut pour faire ça. Ok, fait qu'on arrête Unity, là, on va juste parler de ça. On a commencé à, justement parce qu'on couplait le monde réel avec le monde digital. On contrôlait des vraies caméras, des vrais systèmes de capture avec tu avais un environnement virtuel mais un environnement réel. Puis le real time nous intéressait. Si à ce moment-là, si on faisait pas ça en temps réel, ça m'intéressait pas. Puis je voulais le feedback immédiat parce que quand l'acteur commençait à apparaître sur scène, je voulais qu'il se voit dans l'écran et qu'il se regarde faire et agir. Jean Keanu Reeves. Ben Jean Keanu Reeves, puis après ça un paquet d'autres d'autres éléments. C'était quoi? C'était un film avec Tom Hanks. Il avait l'air creepy un peu. Midnight. Vous allez me le dire, je vais t'as mentionner. Tom Hanks, creepy. Le film d'animation de Polar Express. Power Express. Ça, c'est le truc de Zemeckis. Après ça, il y a eu toutes sortes de trucs, des Tintins. Les gens ont commencé à utiliser la capture. Ce qui était. La capture faciale, là aussi. Il y avait tout, là. Facial, tout ça. Puis ça a culminé avec Avatar, qui était la Virtual Production. Puis on a gagné un Academy Award pour ça à cause qu'on a transformé un peu la façon dont les films étaient faits, la production, parce que c'est comme du théâtre. Puis c'était l'idée qu'on avait au départ. J'aurais jamais. Tu sais, au départ, j'étais convaincu que ça allait se passer. Après un certain temps, tu te dis, ouais, c'est n'importe quoi, là. Puis à un moment donné, ça se passe pas vrai. Je pense que ça, c'est la meilleure joke possible. Tu sais, à un point, en réalité, dans un lifetime d'une personne, il y a eu le moment où. C'était un rêve, c'était farfelu d'y penser, puis on l'a fait, puis là, il y a quelque chose qui vient après ça, en plus. Non seulement ce que ça le fait, mais ça participe à la production de peut-être le plus gros film dans l'histoire. Ça crée un précédent, là, en plus. Mais ça a été formidable. Ça veut dire que ce bandwidth-là, puis je le compte parce que parce que ça va lier à Unity bientôt, c'est que toute cette notion de temps réel, toute cette notion d'animation puis de visualisation, c'était vraiment intéressant. Puis t'es obligé de te bâtir des outils pour ces artistes-là pour essayer de transformer cette information-là, parce que c'est pas tout la capture du mouvement, mais après ça, il faut que t'en fasses vraiment quelque chose, que t'en fasses une vraie histoire. Puis tantôt, je faisais une farce en prenant ma bouteille d'eau et en laissant de la boire. Je disais, créer une scène où un vrai personnage en 3D prend sa bouteille d'eau, la boit, puis la verre, puis l'eau coule à la bonne place, puis la main est à la bonne place, puis la bouche fit, puis tout ça, c'est vraiment pas... c'est pas trivial. Fait avec toute cette expertise-là, on s'est retrouvé à faire, à interagir avec ces créateurs-là, puis d'actualiser ce rêve-là. Fait que ça a été là, on me suis retrouvé chez on a été acquis par Alias, puis après ça Autodesk, je me suis retrouvé chez Autodesk, puis les grosses entreprises, ça me disait moins, laissez ça, puis je suis allé faire du cloud pendant 5 ans, j'étais tanné, la 3D, je disais, c'était intéressant, toute cette histoire de online, tout ça, fait que t'apprends à faire quelque chose. Et puis après une consultation chez Autodesk, j'ai eu une rencontre avec Joachim. Je l'ai croisé, puis je dis à Unity, c'est fantastique, vous avez une communauté hallucinante. Vous êtes partout, vous travaillez avec les gens, mais vous ne l'utilisez pas correctement, votre communauté. Vous ne l'utilisez pas assez. C'est comme si vous leur permettez pas. Puis vous voulez démocratiser le game development. Si tu veux démocratiser ça, il faut que tu t'assures que les experts de quelque chose fournissent des outils aux experts de d'autres choses. Fait qu'un expert en animation peut te bâtir des outils qu'un expert en modeling peut utiliser, mais sans avoir les bâtir. Puis l'expert en modeling va fournir des modèles que le gars en animation n'aura pas besoin de bâtir. Donc, il y a ce potentiel-là chez Unity. Il y avait déjà l'Asset Store à ce moment-là. Donc, l'Asset Store qui permet d'acheter des bouts préétablis. Puis que j'avais appelé Joachim, je dis c'est fantastique, je voudrais partir de la collaboration, puis ça serait le fun de faire du storytelling dans Unity. Il me dit, c'est quoi? À la cool, viens à Copenhague, passe la fin de semaine là. Wow. Puis il me dit, sure, let's go, qu'est-ce que t'as besoin? Ok, fait que lui, t'as lancé les clés, t'as dit, bon, ben Montréal, let's go. Paf, t'es arrivé ici, on s'est pogné un local à côté de l'itinéraire, on tassait les itinérants qui étaient dans la porte le matin. Puis c'est comme ça qu'on était à Montréal, commencé. Puis là, l'aspect collaboration, justement, là, moi, je trouve ça phénoménal. Tu sais, juste petit aparté, j'étais surpris. Ben, pas surpris, mais j'étais content de voir ça. En plus, juste en arrivant, j'ai vu, tu sais, il y a Nathalie qui nous a accueillis. Ouais. Tout de suite, attends, je vais aviser les gens. On ouvre Slack sur le téléphone, commence à communiquer avec les gens. Tu sais, même nous autres, Slack, c'est un outil qui est crucial dans le développement. Fait que le mieux communiquer. Puis je fais un aparté avec ma vie professionnelle aussi, mais c'est un des enjeux grandissants de plusieurs entreprises. Absolument. Comment on communique? Comment on exploite 100% du potentiel? Comment on va s'assurer aussi que les best practices soient partagées? Ouais. Fait que c'est sûr qu'un pitch comme ça dans une entreprise grandissante, regarde, c'était de l'or en barre. Ouais. Mais comment le faire vivre au quotidien à ce moment-là? T'sais, c'était quoi le plus grand enjeu en débarquant? C'est sûr, là, on s'est fait lancer les clés, on ouvre le studio à Montréal, mais il y a sûrement eu comme un gros milestone là, qui est arrivé. Puis hey, ça, faut qu'on l'adresse en premier lieu, là. C'était bien organique. Le Unity, c'est un gros startup. Ouais. Puis à cause de sa taille et de sa nature, vu que c'est assez distribué, c'est tout du monde très, très entrepreneur. OK. OK. Donc, c'est tout du monde avec. Je vais faire ça, moi. Hein? Puis assez collaboratif au départ. Ça veut dire, c'est quoi tes. Ah, tu essaies de faire ça. Attends, je peux peut-être t'aider. Tout ça. Donc, dès le départ, c'était ça. Puis c'était. C'était un peu à l'image de la génération actuelle. Ça veut dire que c'était très online par défaut. C'était Skype, c'était pas Slack à ce moment-là. Là, ouais. Mais c'était sur Skype. T'es tout le temps en train de discuter avec les autres endroits. On a commencé avec nos trucs, mais Joachim est débarqué ici. Il nous a aidés. On a débarqué à Copenhague. Les gens ont été très, très, très collaboratifs. Puis dès le départ, il y avait quelque chose de super déstructuré. J'en revenais pas du succès de Unity, étant donné la structure. Ben, la structure, entre guillemets. C'était des silos indépendants. Il y avait, c'est un peu où ça se passe parce que les gens sont, en général, de bonne foi. T'sais. OK, c'est bon, c'est intéressant. Ça s'est transformé, là. Ça fait 4 ans, là. On a doublé à tous les années depuis ce temps-là. Donc, on a une plus grosse bébite. Mais il y a encore cette même. Cette même vibe-là. Un petit peu. C'est comme un gros start-up. Y a un peu encore plus... à ce jour. Ouais, ouais, comme encore un comme ça. Mais... Les mentalités, puis c'est tout ça. C'est drôle, je regarde. je regarde Nadine qui vient boire ça un petit peu. Il y a un côté très, très. Je me débrouille. On fait ça. Puis ça donne beaucoup, beaucoup de liberté au groupuscule, aux différents groupes d'essayer d'attaquer les affaires de la bonne façon, puis de faire la chose. Puis tout le monde est très, très orienté vers le c'est qui le client, et qu'est-ce qu'on fait pour eux autres. Fait que c'est pas centralisé, c'est très décentralisé, Unity. Mais justement, excuse, non, vas-y, mais en parlant de client, je ne veux pas trop déraper un peu, mais la structure de Unity à la base, on dit que quelqu'un veut. On dit à quelqu'un qui tentait d'écouter en ce moment, puis il est comme, tu sais quoi, j'ai une idée pour un jeu. Ouais. Je veux faire de quoi. Je regardais un petit peu la structure de comment est-ce que Unity fonctionne comme un produit envers vos clients. Ouais. Quelqu'un commence, il a une idée, c'est quoi sa première étape qu'il ferait pour commencer à utiliser Unity pour comme l'outil principal de son idée. C'est vraiment, tu sais, c'est très accessible là, parce que tu download Unity, tu t'en vas chez Unity, tu download puis tu commences à l'utiliser puis tu payes 0$. Tu sais, c'est ça que tu fais. Fait que puis l'idée de le donner, ça c'était du ça début, c'était là ça. Dès le départ. Il y avait ça Joachim et sa gauche qui a fait let's go, on le donne. Puis ils ont pris une approche, ils ont pris, j'ai envie de dire, on a pris parce que c'est quasiment rendu ça fait partie de. Mais on prit une approche où au lieu d'aller... Parce que la façon dont les game engines fonctionnaient à ce moment-là, c'est tu payes, t'as le game engine, tu payes 1 million, puis tu donnes des royautés. T'sais. Ouais, c'est ça un peu, parce que je suis pas... Moi, j'ai remarqué une affaire que Unity a faite dans l'histoire du game engine, c'est que ça a obligé tout le monde de suivre. Ouais. Ben, c'est parce qu'on s'entend, tu sais, le modèle d'un million, là. Non, mais on entend Jean-François Tussorel, dans son 4,5, qui a une super de bonne idée, qui pourrait être très lucrative. Lui, les gens sont sciés. Ça se passera pas. Oh, mais il y avait les histoires classiques, là, comme je suis beaucoup l'industrie du jeu vidéo, un peu, puis t'avais des histoires comme Too Human de Silicon Knights, qui faisait un jeu avec l'engin d'Unreal. Ils ont dû tellement modifier l'engin, puis là, Unreal les apporte en cours, puis non, fallait-tu nous payer 1 million, puis ça des grosses affaires de fou. Puis là, je m'en rappelle, c'était comme pas longtemps après ça, t'as comme Unity qui sort, ben, utilise notre produit, un jeu, let's go. Vas-y fort, là, c'est là, puis s'il y a de quoi qui marche, on y va de là. Parce que c'était un peu ça ma question, un peu, quand ça marche avec ton jeu, on va dire, tu fais de quoi? Ça 200 000, 200, c'est ça le chiffre spécial. C'est le chiffre, c'est 200 000. Oui, puis même 200 000, c'est que l'idée, c'est qu'on ne prend pas de royauté. Fait que à 200 000 piastres de financement, tout ça, on dit, ben là, t'es professionnel. On t'a donné un outil pour te permettre de vivre. S'il vous plaît, paye-nous ta licence. Puis la licence, c'est day one, c'est je sors un chèque, je fais 200 000. Non, ou c'est partage de revenus. Maintenant, ou... c'est. Non, c'est pas partage de revenus. OK. C'est, tu payes ta licence, that's it. Parfait. Là, on est en souscription. Ça veut dire à partir de 2017.1, tout ça, c'est en souscription. Ça veut dire que c'est 125 par mois, 135. Ouais, excusez-moi, c'est 125. Oui, c'est okay. Ça. Excusez-moi. Là. Donc, tu payes ta souscription. Et c'est ça. Donc, à partir du moment où ton jeu fait du revenu ou ton entreprise est financée puis que tout ça, paye tes licences pour ce que tu développes. Sinon, ben go wild. Prends l'outil, développe, publie, fais ton jeu, mets-le sur l'iPhone. Puis si ça marche, ça marche. Si ça marche, c'est ça. Donc, mais puis en plus, on focus pas juste sur faire ton jeu parce que c'est là que ta tête est. Tu sais, quand tu es un développeur de jeu, tu penses, ah, je vais faire mon jeu. Fait que tu t'installes là, puis tu prépares ton jeu. Tu vas faire de l'argent. Il faut que tu fasses de l'argent à un moment donné. Mm. Alors, on a amené aussi toute une autre facette qui est analytics, ads, donc les annonces. L'idée, c'est de monétiser. On va t'aider, un, à te faire découvrir, puis à monétiser ton jeu. Pour que puis in-app purchases donc achats, bon c'est ça, donc les outils pour permettre de centraliser ces affaires là puis te permettre puis c'est quelque chose auquel tu généralement quand tu es un développeur de jeu, c'est pas la première chose auquel tu penses parce que tu dis ah ça va être il va être bon, build it and they will come, ouais. Le field of dreams gaming. mais c'est un aspect difficile, fait qu'on l'a intégré aussi pour ça, pour tu sais Parce qu'on a tout avantage. Tu sais, collectivement, on a un avantage à ce que tu réussisses. Si tu réussis, tu vas payer tes licences. Tu sais, il y a comme un... On est content que tu réussisses. Puis le pire, c'est qu'on dirait qu'il y a une stigmate par rapport à ça. Puis je la comprends de moins en moins. Parce que justement, là, le in-app purchases, puis les trucs comme ça. Tu sais, il y a eu beaucoup de controverses au niveau des DLC, ouais. Puis des affaires comme ça. Mais en réalité, il n'y a rien de mauvais si c'est bien exécuté dans un jeu. Je me souviens récemment, justement, c'est PewDiePie's Tuber Simulator, où c'était pas agressif, c'était pas rien. T'as la chance. Écoute, tu veux-tu écouter une pub? Si tu veux écouter une pub, exactement. On te récompense. Si tu veux pas l'écouter, c'est correct, y a pas de problème. Continue ton chemin, puis... Ben, c'est exactement. Fait que ça veut dire que même la pub, c'est d'ailleurs la forme qu'on propose. C'est une forme optionnelle. Tu sais, c'est pas nous qui décidons là pour le game publisher là, ou le gars qui fait son jeu de comment ben utiliser oui. la pub, mais en général c'est une bonne idée, tu sais, ça veut dire t'écoutes la pub, t'as 300 crédits points, plus crédits, ou peu importe, quelque exact. Chose comme ça, fait qu'il y a une transaction entre les deux, entre le game publisher, le client, puis le bénéfice. Puis si tu fais attention à ça, ça veut dire en termes de respect de ta clientèle, le bénéfice qui est là, puis le bénéfice du publisher, ben je pense que c'est tout à fait correct. Ça te permet d'avoir des jeux gratuits, ça te permet aux gens d'avoir assez d'argent pour refaire un autre jeu ou pour faire améliorer les trucs, parce que c'est le fun là. On aime l'art là, mais si tu veux en faire un métier, c'est important. Puis ça, c'est super important pour nous aussi là. C'est ton métier. Ben, c'est parce qu'il y a une belle dualité dans la mission de Unity, je trouve, qui est de... C'est une entreprise, donc c'est une business, ouais. Que leur but est d'aider... Ben, votre but est d'aider ouais. le monde à faire des startups. Il y a ouais. des jeux gratuits qui utilisent Unity, tout ouais. le kit. Ouais. Fait que c'est vrai que les enjeux d'antan, où on parlait de piratage, etc., ça, c'était une autre affaire à part. Là, votre enjeu à vous, c'est comment je peux aider les gens à développer, mais c'est surtout aussi aider les gens à développer un produit de qualité pour qu'il devienne rentable aussi, pour qu'ensuite Unity puisse continuer à évoluer, qui va, en contrepartie, redonner plus de features aux créateurs pour leur permettre d'augmenter. Et vice-versa. Ouais, c'est une belle roue qui tourne. Route, ouais, c'est ça. Et c'est pas toujours trivial, parce que quand tu te mets à te donner les choses, à un moment donné, les gens ont l'impression que tu leur dois... Ouais, l'entitlement, ouais, dans le fond, ça, là, on est... Puis là, comment ça, vous chargez pour des... Puis là, il y a un moment donné, tu dis, écoute, tu sais, be fair, tu sais... Ben oui, ouais, c'est ça, écoutez, ouais, ça me fait plaisir de... on est là, on essaie d'en donner le plus possible, puis on veut faire ça, mais en même temps, tu veux qu'on soit là pour faire des features, puis qu'on fasse un produit qui a de l'allure, comprends cette dynamique-là. Moi, je veux essayer de t'aider à faire de l'argent avec ton jeu, soit faire avec nous autres aussi, si toi, tu fais des sous... on t'a permis de le faire, contribue aussi. Fait que c'est un peu cette espèce de ben, c'est une belle relation harmonieuse à maintenir aussi, ouais, parce que ça. Ces créateurs-là deviennent vos ambassadeurs aussi. Exactement. Parce qu'on s'entend, tu sais, présentement on parle de Unity 3D, y a un paquet de gens qui ont joué à des jeux Unity 3D, mais ils vont se rappeler Ubisoft, ils vont se rappeler Eidos, ils vont se rappeler d'un paquet de studios. Mais vous serez peut-être pas nécessairement sur la ligne de front dans leur tête. On est, tu sais, comme les gens savent pas qu'on est en dessous de Pokémon Go, par exemple. Ouais, exact. C'est ça. Puis, des jeux sur mobile, je pense qu'on est à 6 milliards d'installs de Unity Engine sur des. Wow. Okay. On a 1,2 million d'usagers directement. Donc, des gens qui font des jeux actifs chaque mois. Donc, c'est des chiffres astronomiques. Par contre, le consommateur, généralement, sait pas qu'il est en train de jouer sur un jeu Unity. Parce qu'on est partout. Je sais pas la proportion. C'est des proportions épouvantables du nombre de apps sur un iPhone qui sont basées sur Unity. Là, on parle de... Écoute, je me souviens plus exactement, mais dans le 20-quelques%. Pas juste des jeux. Là. Quand même. Ben, okay. C'était une de mes questions, ouais. Justement. Est-ce qu'on parle uniquement gaming avec Unity ou c'est une plateforme qui... Ben, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout le monde a vu le VR, là, le Virtual Reality. Ouais. Tout le monde voit ça. Qu'il y a beaucoup de Unity en passant. C'est ça. Je pense que c'est 70 à 75% de tout ce qui est fait en AR, VR, c'est fait sur Unity. Moi, je peux juste... J'ai mon Galaxy S7, c'était mon seul VR que j'ai pu me permettre un peu, puis j'en ai joué des jeux. Ouais. Puis crée-moi le logo Unity, là, il est apparu très souvent. C'est ça. Avec des bons produits, le fun. C'est ça. T'as des bons souvenirs de ça. Ouais. Donc, le VR est apparu. Donc, VR, c'est immersif. Hein? Tu as la face dans l'immersion. Puis, le VR existe en gros casque installé sur ton PC. Puis, il existe... En cellulaire. Cellulaire. Puis ça, c'est la forme plus abordable, les Gear VR, puis les... puis ça, c'est une forme qui va être en évolution, qui va continuer. Mais donc, le même défi que Unity a dû relever avec le cellulaire, ben, il est tout à fait présent avec les RVR, parce que tu veux un form factor, comment je traduis ça, Le format d'utilisation. Tu veux que tes lunettes soient légères, puis ouais, tu veux pas que ce soit dérangeant. Tu veux pas te promener avec un PC dans ta poche. Puis tu veux pas avoir l'air d'un glaceau ouais, avec tes Google Glass non plus. Alors, fait que le form factor, la forme de ces choses-là tend à vouloir se diminuer. Parce que le VR demeure très, très, je vais dire, hardcore, parce que c'est une expérience complètement immersive. Fait que je peux pas être debout en train de courir partout. Mais ce qui est encore plus important comme révolution, c'est l'AR, l'augmented reality. Ouais. L'augmented reality, c'est l'idée que, tu sais, vous le savez bien, mais je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est que tu prends ce que tu observes, puis tu y rajoutes quelque chose dessus. Tu sais, on avait, quand j'étais petit, moi je rêvais, je dis des hologrammes, j'ai imaginé des façons de faire des hologrammes, puis comment tu allais faire créer des objets en 3D. Ben, avec l'augmented reality, ça se passe parce que tu projettes entre toi et ton environnement quelque chose que tu rajoutes. Fait que tu peux mettre une TV sur le mur ou un hologramme sur la table. Ce que Sony et Nintendo ont essayé de faire aussi, on se souvient le lancement de la 3DS avec certains jeux qui utilisaient la réalité auto, Invisimals pour le PSP ou PS Vita, je me souviens plus. Mais tu sais, c'est des concepts qui sont là, mais qui sont peut-être un peu précurseurs. Mais là, on rentre dans cette étape-là. Mais là, c'est ça. Donc, le hardware est en train de se rattraper, est en train de créer cette opportunité-là. Puis si je prends un long chemin pour répondre à ta question, mais quand tu tombes dans l'AR, tu es dans la réalité des gens. Puis si le form factor se réduit, ça devient des lunettes, puis à un moment donné, des verres de contact, parce que ça semble de plus en plus vouloir aller vers ça, bien, la réalité virtuelle existe pour remplacer le téléphone. Ouais. Ton téléphone n'existe plus, tu as quelque chose entre toi et ta réalité, donc tu y rajoutes l'information que tu as besoin, le Facebook profile, la personne que tu regardes, le prix de l'objet que tu t'en vas, la direction vers où tu vas, le prix de l'avocat que tu t'apprêtes à ramasser dans ton épicerie, peu importe. Tout ça, donc tu tombes très, très embedded, puis là, tu fais du dating, j'imagine, tu es installé, tu vois qu'il est available dans le... Bon, tu sais, c'est réconfortant, mais ça fait peur en même temps. Absolument, mais... moi, je suis terrorisé, puis surtout que j'ai des enfants, je regarde ça. Oh mon Dieu! Si vous êtes addicted to, je sais pas, Call of Duty, imaginez dans un univers comme ça, mais n'empêche que c'est inévitable, c'est ça que tu es en train de se passer. Donc, c'est drôle, juste en parlant de l'addiction... Oui. Je suis un grand fan de Star Trek, puis il y a une émission de Star Trek The Next Generation qui touche ce sujet-là. Puis dans ce jeu, il jouait un jeu qui était en augmented reality. Oui. Puis à chaque fois que tu réussissais à rentrer une boule dans un cerceau, ça déclenchait des endorphines. Oui. Ben, puis c'est ça. Disons que le monde l'aimait, ce jeu-là. Oui, c'est ça. Mais donc, ça existe, c'est là. Mais d'une autre façon, l'augmented reality fait que tu dois avoir une interaction tridimensionnelle, interactive, dans le monde réel. Donc, tu sors du domaine du jeu, tu tombes dans le domaine interactif, tu peux jouer, puis l'idée peut être intéressante de dire, je mets mon jeu sur la table, puis toi, quand tu rentres dans la pièce, tu vois que j'ai le jeu sur la table, je m'en viens jouer à bâcher des monstres sur la table pendant que tu es en train de le faire. Fait que c'est intéressant, mais il y a tout un autre aspect, puis Unity est utilisé là dans toutes sortes d'autres gammes de... Dans le fond, qu'est-ce que tu dis, puis je parle de comme... J'ai vu des démos de HoloLens. Ouais. HoloLens m'a fait triper au bout. Puis HoloLens, tous les démos de HoloLens sont faites dans Unity. Ben c'est ça, je me dis, là, comme quand tu vois le gars qui est en train d'étaler une télé puis la mettre par-dessus lui au gym, mais ça, c'est l'engin Unity qui est en train de faire ça. C'est quand même big. Là. Fait qu'en réalité, le jeu est pas mal placé où... mauvais jeu de mots de ma part, là, mais... Unity sera pas uniquement game-related dans les années à venir, où on voit justement les démos de HoloLens, etc. Là, on voit la technologie en arrière de Pokémon Go aussi qui est là. Dans la réalité... Pokémon Go, c'est du... Ben, c'est du AR, là, du vrai AR. Là, tout à fait, les débuts de ça. Moi, j'ai bêta-testé Pokémon Go avec Ingress, justement, où ça, c'était une affaire, c'était au tout début du podcast. Puis cette trend de AR-là, je me souviens, là, peut-être 3 ans, expliquer aux gens, non, je joue à un jeu présentement, non, t'es devant une église à 10h30 du soir avec ton cell, non, mais il y a un portail qui est là, je fais quelque chose, hack. Ok, pose pas de questions, regarde, appelle pas à sécurité, tout va bien, mais tu sais, les gens fou. Comprenaient pas ça, puis là, ben justement, le phénomène Pokémon Go est arrivé, puis... Qui est juste bâti de par-dessus Ingress. En réalité, là. C'était du Ingress, ouais. Rebuilt, revamp, avec beaucoup d'améliorations, par contre, mais je trouve que c'est le fun de voir, parce qu'on a déjà eu ces discussions-là. J'ai déjà joué à Dactyl Chase à Ronde, back in the days, à 25$ de 10 minutes. Puis on est allé dans un chalet il n'y a pas longtemps où j'ai joué avec un HTC Vive pendant quasiment 45 minutes, puis j'étais dedans. Puis là, cette technologie-là arrive, puis elle est omniprésente. Ouais. Elle est encore hardcore, t'as raison, ouais. Puis je suis d'accord avec tes propos là-dessus, où ben c'est sûr que c'est peut-être pas tout le monde qui va aller sortir un 1000$ dans leur poche, aller se procurer un headset de VR pour jouer à la maison, mais... Mais j'ai remarqué le monde qui peuvent, par contre, la minute qu'ils font... Ils font. Ouais. Fait que ça, c'est déjà quelque tu y chose... Tu touches, ouais. Tu la jettes, tu sais, écoute, c'est incroyable. Fait que je trouve que le fait d'être omniprésent là-dedans pour Unity, vous êtes bien positionné pour l'avenir en tant qu'entreprise. Ça, puis si on ouais. investit énormément là, parce que c'est clair que c'est là que ça s'en va, là. Puis les problèmes que tu as à régler dans cet espace-là sont les mêmes problèmes que tu as réglés dans le domaine du jeu. Parce ouais. que tu as un domaine interactif, tu as de la 3D, tu as de la physique, tu sais, t'as de l'interaction, t'as des éléments d'interface usagée. Ça doit être stimulant pour vous, par exemple, ou c'est un chemin que c'est pas nécessairement déjà tout le monde qui est passé dedans non plus aussi. Ou tu sais, un enjeu de 3D dans un... Tu sais, mettons, on regarde, OK, je suis super hypé, j'ai hâte qu'il sorte, mais Forza 7 qui arrive, OK, c'est un jeu de course avec de la physique, de la pluie, puis de la lumière, puis le kit, mais... Whoop, transposant en VR, par exemple, là, whoop, il y a des nouveaux sentiers battus à aller explorer avec un jeu de course en VR. Plein d'affaires. Puis là, tu me parles de ça, là, puis là, je viens comme un ticu parce que, tu sais, je viens du cinéma. Ouais. Quand tu tombes en AR VR, tu as des expériences immersives. Ok, oui. Alors, tu as une expérience immersive. Tu sais, puis avant, un petit peu, on discutait un petit peu, tu sais, entre le domaine du cinéma, le domaine du jeu. Le domaine du jeu. Il vient du domaine de l'entertainment, donc c'est un passe-temps. Ouais. Là, c'est un passe-temps plus parce que tu commences à t'attacher à l'histoire. On se force de plus en plus. Les histoires sont, tu sais, on s'intéresse à l'univers, on fait ça. Puis là, on tombe en VR, puis là, tu es dans l'expérience complètement. Et là, il y a un beau problème parce que quand tu fais du film, tu contrôles la caméra. Hein? Puis la caméra, les gens ne réalisent pas à quel point la caméra est importante dans un film, dans du storytelling. Ouais. Le point de vue, tu prends la même scène, un point de vue différent, non. Le fait que tu zoom in, que tu as un angle, tu as du depth of field, tu as du blur en arrière, là, bon, ça va changer ta perspective sur ce que tu es en train de regarder. Puis la façon dont tu vas positionner tes caméras, tu vas faire tes cuts, puis tu vas regarder ça, c'est intéressant. Tu tombes dans le domaine du jeu. On a acquis une technologie, puis on a un gars ici qui s'appelle Adam Mahill, qui s'appelle Cinemachine, qui est un système de caméras intelligentes, donc des caméras virtuelles avec une logique, puis des trucs comme ça. Puis on était ultra intéressés à voir comment cette caméra-là, dans le domaine de l'interactif, allait se trimballer et allait se faire. Fait qu'on on a une technologie pour créer ces caméras-là de film dans le domaine interactif. Parce que le point de vue va changer de ce que tu regardes. Si tu es en combat, comment je te regarde? Je te regarde de proche, de loin, déplacé. Fait qu'un angle suggéré un peu, tout dépendant du contenu qu'on consomme. Ça, plus toutes sortes de logique pour trouver des mix de caméras. Bon, fait qu'on on a amené une espèce de logique-là. Puis là, on se pose la question, t'as ça avec Adam, puis on dit, OK, c'est quoi ça veut dire en AR puis en VR? Le VR, là, c'est tu regardes le monde. En VR, tu regardes le monde du point de vue, t'es dedans, là. Ouais. Je peux pas te déplacer comme je veux, là. Mais si je veux te raconter une histoire, je te déplace. Je vais te téléporter. C'est quoi le langage? Ouais. De la caméra en VR. Puis il y avait des premières expériences, et Digital Domain qui a fait une espèce de film, tu sais, puis t'es dedans. Puis il y a un train qui s'en vient, puis tout ça, puis t'es dans un lac, puis t'entends Mais des fois, tu peux regarder l'expérience, tu regardes du mauvais bord, tu sais. Facile. Là, il y a comme un biais, comme... Ouais, moi, j'étais un grand amateur de qu'est-ce qui est le contenu visuel en VR. Pas les jeux, ouais. Mais les films. Fait que tout ce qui sort, je le consomme à travers de mon Gear VR, tout ça. Je trouve que c'est un outil quand même bien pour consommer absolument, ça. Absolument. Puis je remarque qu'il y a quand même du monde qui commence à... Tu sais, il commence à te guider, ouais, un peu. Le son. Ouais. Le son, okay, ben, il y a des cues. Ouais. Que il espère de pogner ton attention pour que tu suives. Les avatars à même le jeu aussi. « Hey, viens avec moi, puis on va se promener. » Ouais, des fois, ça marche aussi. Mais qu'est-ce qui me fait triper le plus, c'est que je me sens comme je suis en train de vivre qu'est-ce que les gens ont dû vivre au début du cinéma. Tu sais, où que le monde commençait à apprendre qu'est-ce qui se passait, le langage. Ouais. Puis là, moi, je suis en train de vivre... J'ai la chance, je me trouve très chanceux de vivre cet apprentissage-là que l'industrie fait au complet. Là. Puis imagine si tu es producteur de jeu, okay, ouais. Comment tu es en train de le vivre, cet apprentissage-là, parce que tu t'envoies des trucs qui marchent pas. Ouais, ouais. Puis là, tu dis, attends, là, j'ai pas, comment on fait pour attirer l'attention de la personne? C'est quoi le langage visuel? Mm. Comment je te téléporte? Ouais, c'est ça. Sans te faire vomir, là, tu sais, parce qu'on s'entend que ces affaires-là, ça brasse. Fait que t'as exactement ta raison. Donc, t'as toute cette dynamique-là, juste la gestion de la caméra. Puis, en AR, tu sais, l'outil est intéressant, mais les clients de mes clients, donc les gamers, mais il est intéressant aussi pour mes clients. Comment eux autres author leur environnement? Il me semble que c'est le fun de placer ton stock immersif. Tu sais, tu te promènes dans ton... Fait que tu crées ta pièce, t'apparais dedans. Un peu comme les World Builder dans le temps de Duke Nukem, JD, puis tu le quittes, on va mettre telle chose à telle place. Ben, puis, c'est ça. Là, ça devient beaucoup plus intéressant à créer. Là. Mais, en même temps, je regardais le domaine du VR, puis je dis, il me semble que t'as envie de vomir quand tu fais 4 heures, tu fais ça, là. Ouais. Okay? Tu déplaces d'affaires. Fait qu'il me semble que si je voudrais faire ça en AR, en Augmented Reality, ce serait intéressant. Tu te dis, je mets l'environnement sur ta table, tu fais des maquettes. OK, fait que là c'est peut-être moins t'as peut-être moins envie de vomir en permanence, puis je place mes items sur ma table, puis là je me promène, je me déplace. Fait que j'ai un nouveau set de langage encore là dans ce cas-là. Puis si tu regardes pour le consommateur final, la façon dont lui va consommer du contenu AR, je pourrais décider moi de faire un cut through du 3D puis te le présenter sur ta table, différents axes. Puis là, mes gestions de caméra, c'est un autre langage encore qui est en train d'apparaître. Puis ça, là, je suis pas sûr qu'on le comprend bien, là, mais c'est fun. Là que ça serait intéressant d'avoir un engine qui ferait tout ça, justement. Tu sais, on parle justement le créateur qui va y aller en AR, le consommateur en VR. Puis tout dépendant de la plateforme qu'on utilise en plus, ben là, on se ramasse peut-être dans un environnement qui est plus du VR, qui est d'autres choses, qu'on pourrait vivre le jeu d'une autre façon. Absolument. Écoute, je me souviens d'un E3 où, au début de la Nintendo ou la Wii U, qui nous avait fait essayer un proof of concept. C'était un jeu de Super Mario où quelqu'un jouait avec le gamepad et devait se sauver dans un labyrinthe. Puis les 4 autres joueurs jouaient sur la télé avec une Wiimote puis devaient l'attraper. Ouais, ça fait qu'ils voyaient pas tes mouvements. Puis juste ça, quand j'essayais ça, puis on s'entend Nintendo très conservateur dans leur approche. Puis là, j'ai vu ça, puis on s'entend, la Wii U, c'est pas ce qui a épaté le plus la galerie, là, contrairement à d'autres consoles, mais le proof of concept de ça, justement, était remarquable pour moi, où, OK, ben moi, je vis une expérience de mon côté, de cette façon-là, vous le voyez d'une autre chose, on s'entend en plus qu'il y a des tendances très, très, très présentes de consommation, tu sais, on s'entend, on stream sur Twitch présentement, on stream des jeux sur Twitch. Il y a des jeux comme Party Hard qui ont des intégrations avec Twitch où ben le monde dans le chat peut décider de t'envoyer un char de police pour te nuire ou t'aider ou peu importe. Fait que c'est une belle période de renouveau pour le gaming, justement. Ouais. C'est une belle opportunité pour vous autres. Là. Absolument. Donc, ce qui est le fun, c'est on est au centre de ça. Malgré nous, à cause de nous, grâce et tout ça. Donc, en partie par chance, en partie par une partie de vision puis tout ça, mais n'empêche que là on est là, on joue avec tout ce hardware là, puis tu te retrouves avec tous ces créateurs là à te poser la même question qu'eux, parce que tu sais, de dire ouais non, on va vous montrer, on sait comment ça marche, non, c'est quoi les règles de cet environnement là, on le découvre en même temps que les gens autour de nous, mais c'est le fun d'avoir la je dis l'opportunité de le découvrir. Puis justement, ce côté-là où le feedback revient du terrain, comment on l'exploite chez Unity? Est-ce qu'il y a des... Tu sais, c'est sûr que c'est connu du public que les développeurs de jeux vont faire des séances d'essai avec des utilisateurs sur leur jeu, mais est-ce qu'il y a l'inverse de cette pratique qui existe chez Unity où on invite des développeurs, puis hey, ce serait quoi les nice to have? Comment ça fonctionne? Oui, puis son vocal. Ouais. On a des forums. Même j'ai même pas de très, très au courant. tout le monde a vu des Phil Fish aller, donc j'imagine que les créateurs sont pas mal tous. Oui, on le sait quand on se trompe. C'est correct comme ça en même temps parce que. Mais c'est un avantage. Ben oui, clairement. C'est comme toi qui crée un outil comme ça, avoir du feedback réel comme ça. Là, ben, il n'y a pas d'autre façon. Parce que c'est ça. Ta job, c'est de faire l'outil pour la personne. Si tu ne fais pas le bon outil, puis il te le dit, ben. Ça, j'ai comme je dirais, ferme ton bouche, puis écoute, là, que j'ai, ce moment-là. Un de mes chums qui est pour Rogue Factor, qui est un des utilisateurs de. Ils ont fait Mordheim avec Unity, eux autres, puis c'est un studio juste à côté de chez nous. Puis un de mes chums qui est production, en production là-bas. Puis c'est comme lui, il dit le jeu, on le sort en pre-release au début, pas cher. Puis next thing you know, t'as du monde qui paye 20$, puis ils sont en train de faire le debugging pour nous autres gratuitement. Ouais. Comme c'est le feedback, là, c'est tellement précieux en ce moment. Fait que pour vous autres, avec des créateurs vocaux, ça c'est un avantage. Ça, puis on s'est pété la gueule à un moment donné. Il y a un an et demi, peut-être un peu plus qu'un an et demi. On grandissait, tu sais, quand tu grandis à ce vitesse-là, puis essayer de faire, puis essayer de fournir les features nécessaires aux usagers. Puis à un moment donné, la qualité du livrable, on a eu une inversion 5.0 autour du 5.0. Les usagers n'étaient pas contents parce qu'il y avait des bugs dans Unity. Puis dans, OK. OK. Et on l'a senti vite, tu sais. Et là, on s'est retourné de bord, puis ça m'a impressionné parce que j'ai été dans plusieurs entreprises là, avec le temps. La vitesse à laquelle on s'est assis, Unity a dit OK, non, ça marche pas. On règle ça. Le focus qui est arrivé, puis de redévelopper les techniques pour arriver à livrer quelque chose qui a de qualité parce que les gens réalisent pas que c'est 30 plateformes. Puis quand tu as 1,4 million de développeurs et ces milliards de... quand tu fais un bug, là, tu t'écœures beaucoup de monde. Mm. C'est parce que tu touches la gang-pain de quelqu'un. Oh, là, ouais, c'est très ça. Intrinsèque. Donc ça, il faut avoir l'humilité de comprendre ce rôle-là. Puis on s'est structuré comme ça aussi. On a créé tout un truc qui s'appelle Enterprise Support. Puis il y a un groupe qui s'appelle Sustain Engineering qui permet, comme différents grades, ça veut dire on essaie de fournir à tout le monde la même chose, mais si c'est mission critical, j'ai plein de mots anglais. C'est pas de problème, critique, on écrit anglais, ouais, donc. Correct. Si c'est critique à ta mission, ton truc comme ça, tu prends l'enterprise support, puis on va corriger on the fly. Et oh, wow. Donc, on a développé tout un ensemble de façons foires parce qu'on a réalisé à quel point on est le livelihood. Ce ouais, c'est ça, là. C'était le gang-pain pour bien du monde. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises non plus parce que j'écoute ça puis je trouve ça réconfortant de voir une industrie justement qui est grandissante, mais de voir vous êtes fournisseur d'engine, veux, veux pas à quelque part, là, on s'entend, là, c'est tout à fait. Hein. Mais la réactivité puis la proximité que vous avez avec vos clients, justement, je trouve que c'est ce qui fait la force ou la faiblesse de plusieurs entreprises dans. On s'entend dans les dernières années, là, c'est ce qui va être totalement détrimentaire. Là, pour l'expérience client, la transparence surtout, là, il y a beaucoup d'exigences qui se passent. Puis justement, tu sais, tout le livelihood, parce qu'on a tendance à se dire, tu sais, oui, Unity, OK, il y a une licence gratuite, puis après ça, on doit payer notre licence quand le jeu a du succès, mais il y a beaucoup de jeux à succès aussi. On s'entend, là, ils ont annoncé justement la suite de Ori and the Blind Forest. Avec tellement de plaisir, j'étais tellement content. Ben, j'étais bien content de voir ça, surtout sachant qu'on s'en venait ici aujourd'hui. Donc, mais c'est pas juste des petits jeux, là, c'est pas juste des jeux indie faits dans un garage par un gars à l'autre bout du monde. Tu sais, il y a des grosses productions quand même qui sont là. Donc, vous avez besoin d'être réactif. Puis, comment je pourrais dire? Comment on se sert de ces ambassadeurs-là, les gros studios, etc.? Parce que Là, présentement, oui, le brand awareness commence à monter. Ouais. Unity commence à être connu. Ouais. Mais c'est quoi le plus gros enjeu pour Unity au niveau de se faire connaître présentement? Ben, il y a... d'un côté, il y a le... Vu que Unity a été utilisé beaucoup en mobile puis en tout ça, les gens savent pas jusqu'à quel point Unity est capable de faire du visual fidelity ou du extreme realism et tout ça. Là. Je vais te laisser continuer sur ça, mais je suis un utilisateur comme ça parce que moi, je suis quand même un gamer, comme tu connais mon affaire un peu. Puis Unity, je voyais toujours Unity comme l'engin facile, accessible pour tout le monde jouer des jeux. Puis, je vais toujours me rappeler du jour où j'ai téléchargé sur ma Xbox One, c'était le Early Access, un genre de preview build de Layers of Fear. Puis là, je vois le logo Unity qui apparaît au début. Je suis comme, OK, ils sont rendus dans cette ligue-là. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Puis Layers of Fear, quand tu joues, quand on parle de fidélité visuelle, là, c'est vraiment spécial. Là. Donc, c'est ça. Donc, Unity est là. Donc, par contre, vu que on est utilisé dans le mobile, tout ça, on est comme, je te dirais, ton bon compagnon. OK? Vu qu'on est ton bon compagnon, on t'accompagne dans toutes tes aventures, incluant le petit jeu pas de budget où tu fais du pixel art brun. Okay. Celle-là, c'est clair, je la réutilise. Du pixel art brun. Ouais, parce que là, c'est même ma femme qui dit des films bruns, là, du pixel art brun. Là, j'en ai okay, ouais. Mais bon. C'est un beau brun, là. Ah ouais, ben oui, certainement. Il y a plusieurs tons de brun. Ouais, c'est ça. Ton jeu, là, qui t'a fait triper, là, au E3, là, ton cyberpunk. Ah, il y en a du brun, là, c'est du brun, ça. Et du rose. C'est ça. Avec, tu sais, deux tons de beige aussi. Ouais. Mais, et puis là, tu as un gameplay, tu as tout ça, mais la qualité, c'est pas ton meilleur ambassadeur au niveau visuel. Et vu qu'on existe énormément dans cet univers-là, de faire comprendre à tout le monde que le range complet est accessible parce qu'on fait du PBR puis du du GI et tout ce qu'il faut pour te rendre ton look tout à fait. Capable d'attaquer des marchés beaucoup plus high-end. Fait que ça, c'est une première chose. Donc, closer cette image-là, c'est important pour nous autres parce qu'on veut, moi, je dis en tout cas, qu'on témoigne à tout le monde que Unity est capable de faire l'ensemble de ce range-là. Fait que, puis c'est pas un gap de feature, c'est un gap de perception. Mais c'est aussi ça fait partie d'être sur 6 milliards de. Utilisateur puis tout ça là, c'est pas quelque chose que tu sais, ça fait partie de la game là, exactement pas grand choix, là. Exactement ce qui est un peu un gros clash en plus parce que d'un point de vue externe on a tendance à critiquer un jeu mobile en se disant c'est minimaliste pis c'est simple mais on s'entend c'est plus Snake sur un Nokia là non, c'est ça c'est rendu des features quand même assez avancées puis il y a beaucoup de thinking derrière un jeu qui a aucun bouton puis que ça va être uniquement on va taper à tel endroit on va utiliser telle fonctionnalité. Donc, je comprends un peu ce que tu mentionnes, André, en disant, tu sais, la perception, c'est que principalement nos jeux sont sur des mobiles, mais on est capable de tellement plus que ça. Donc, effectivement, je pense que, tu sais, il y a peut-être l'arrivée du, tu sais, les Xbox Live Games, des trucs comme ça, qui vous ont ouvert une certaine porte aussi. Ben, là, de plus en plus, ces jeux-là sortent, OK, parce que nos clients les font. Oui. Avec notre engine, puis la qualité arrive. C'est une des raisons pour laquelle on a produit Adam. Je ne sais pas si vous aviez vu là, une espèce de film, de mini-film rendu en temps réel. Ok, j'ai pas vu encore, mais c'est clair qu'on va aller regarder ça. Ah ben, vous chercherez ça. Là, on Adam, va le partager sur la page Adam collectif aussi. 3D, ouais, c'est ça. C'est un genre de Ruby Red là, un peu. Là. C'est un robot semi-humain, semi. Et c'est rendu en temps réel dans Unity. On présentait ça avec les outils faits, si tu veux, c'est ça que ça a l'air, là. Ah, wow! Ah, mais ouais, je l'ai vu, ça. Oui. Non, ça, okay. Je l'ai vu, ouais, ça. Oui, j'ai vu passer ça. OK. Oui, ben dans je suis un fan de jeux vidéo et de graphiques. T'avais toujours, genre, quand les cartes graphiques sortaient ou quand les engins... Les tech démo. Les Crow Tech puis les id Software, les id Tech. Ouais. Ok, mais anyway, tout ça, t'avais toujours les tech démos, là, ça c'est, vous avez sorti ça pour le montrer, là. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est Unity qui roule ça. Puis c'était aussi Timeline, donc un des trucs qu'on a fait à Montréal, qui te permet de faire des cinématiques puis de l'animation. Fait que si vous avez la chance là, d'aller voir, là, ceux qui sont live et ceux qui regarderont, là, Adam 3D, c'est real time, ça. Donc, fait qu'il y a vraiment cet aspect-là de dire aux gens, ben, regardez Unity pour l'ensemble du truc. On focus aussi beaucoup maintenant pour augmenter aussi pour les artistes le feeling de Unity, l'appel de Unity pour qu'ils soient capables de faire l'entièreté d'un jeu. Dans Unity sans nécessairement avoir de code ou à côté, donc okay. Visual Scripting, Timeline, donc différents outils additionnels là, pour permettre ça. C'est déjà accessible aux gens parce qu'ils peuvent, quand tu prends Unity, il y a l'Asset Store, donc tu as tous ces outils-là qui arrivent, mais on veut que l'expérience soit, je dirais, ronde quand tu arrives, puis que tous les défauts soient à bonne place quand tu pars, parce que les gens commencent leur contenu, puis ils n'ont pas nécessairement, tu sais, tu travailles-tu pour du mobile, tu travailles-tu pour du high-end 3D, tout ça, on va setter... Des genres de presets. Des presets, setter l'affaire pour que ça te guide vraiment dans la bonne direction, pour que tu fasses le... Tu sais, que tu settes ton jeu dans le bon vecteur, parce qu'il y a tout un aspect éducation associé à ça. Un jeu, c'est pas simple, même si dans Unity... tu arrives assez rapidement, tu arrives à faire tout ça. Fait que ça, c'est la première chose. Puis l'autre truc, on l'appelle le last 20%, c'est que quand un jeu commence à être gros puis tout ça, ben la gestion de tes images, de ta mémoire, de où se passe ton processeur, qu'est-ce que tu fais, ça devient crucial. Puis ça, c'est un domaine technique plus élevé, tu sais. Puis ça peut. Ouais, comment tu fais ça? Les gens qui font du AAA font ça depuis toujours. T'sais. Ils n'ont pas de choix. Ça fait partie. Puis ceux qui font du Early Access négligent souvent aussi en laissant de côté. C'est ça. Mais fait que ça fait partie du skill. Donc, bâtir la série d'outils puis s'assurer que les gens se rendent jusqu'au bout de leur aventure puis comprennent ces choses-là, c'est aussi quelque chose que t'sais, mais c'est important de faire ça en plus parce que, justement, t'sais, si on prend un peu. Un exemple de l'industrie, mais tu sais, on prend des Daisy que ça fait, je pense, ça fait 6 ans qu'on attend qu'ils finissent son optimisation à un moment donné. Là, puis justement, le fait de l'avoir un peu built-in puis d'accompagner les gens là-dedans, parce que souvent, on va croiser 10 personnes dans la rue, puis je suis sûr qu'on est capable d'avoir facilement 6 pitchs de jeux vidéo qui vont avoir du sens. À Montréal, c'est ça. À Montréal, surtout, on est tous à 6 degrés d'un employé d'Ubi ou d'une compagnie de jeux. Ouais. Fait que c'est 6 degrés, t'es en fait. Non, moi, je t'ai dit, moi, c'était 1 degré pour Montréal. À Montréal, t'es à 1 degré d'Ubisoft. Donc, tu sais, le bassin de connaissances est là, mais c'est souvent l'exécution. C'est souvent juste, tu sais, comment on peut se rendre à le créer. Puis le fait d'avoir les presets là-dedans, justement, ça peut accompagner les gens à le faire. Écoute, il y a un sujet que j'aimerais qu'on touche en terminant, surtout, c'est que Unity, moi, ce que j'ai trouvé cool d'apprendre, c'est que, d'un, c'est que vous étiez à Montréal. Ouais. De deux, c'est que à chaque fois, tout au long de ma vie, j'ai entendu parler, moi je veux travailler dans les jeux vidéo, tout le monde me parle d'Ubi, d'EA, puis etc. Ouais. Mais là, il y a d'autres débouchés aussi dans le domaine du jeu vidéo là, dans Montréal. Là. C'est pas juste aller dans un studio puis aller travailler sur un jeu. Là. Donc, là, on parle de 90 employés chez Unity. Ouais. C'est quel genre d'emploi qui existe? Y en a-tu des disponibles? Y en a-tu des pas disponibles? Oui, là, il y en a plein. Donc, on n'arrête pas de grandir. Donc, oui. Puis, ce qui est fascinant, c'est que notre client, c'est le développeur de jeu. Donc, si tu étais un développeur et d'outils et de technologie de jeu, ton client, c'est pas la personne qui joue le jeu. Ton client, c'est quelqu'un qui va créer ces jeux-là. Donc, ton outil va être utilisé par 1,1 million de personnes. Donc, ça n'arrive pas, ça. Même chez Ubisoft, quand tu fabriques ton outil, il y a un beau 300, il y a peut-être un 400 personnes qui vont l'utiliser, mais tu n'as pas 1,1 million de personnes. Ouais, non, ça veut dire que ce que tu fais comme technologie va influencer le 1,1, puis après ça, le milliard, mais le 1,1 directement. Ça c'est... t'es en négociation avec eux à essayer de faire le meilleur outil pour ce qu'ils vont faire. Fait que ça, c'est la première partie de ça. Deuxième, c'est que c'est cet aspect plat-là de Unity où chacun des groupes il est un peu en contrôle de sa destinée, pas plus qu'un peu, mais très en contrôle de sa destinée. On discute ensemble, c'est quoi le problème qu'on essaie de régler? Dans l'équipe d'animation, c'est quoi le problème qu'on essaie de régler? Puis cette équipe-là prend en charge de créer ces trucs-là, puis on travaille après ça avec le reste du produit à dire comment on va le promouvoir, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Donc les gens sont tout à fait empowered, là, c'est vraiment... de le faire. C'est pas une structure qui est top-down, c'est pas une structure qui descend du product manager, c'est ça. Fait que, il y a ça. J'aime l'idée, tu sais, dans ma gestion, dans la façon de faire les affaires, c'est trust people intelligence, de faire confiance à l'intelligence des gens. Puis, quand tu dis fais confiance, il y a le mot confiance. Puis, confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est deux choses, c'est une relation. Puis c'est que tu parles en franchise ou tout ça. À leur intelligence, donc leur capacité de prendre des décisions, de regarder la situation. Puis si tu t'entends pas avec quelqu'un sur l'objectif, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas une partie de l'information. Okay. C'est très, très rare que c'est. Tu te retrouves à t'ostiner parce que tu as une différence fondamentale. La plupart du temps, s'il y a quelqu'un qui tient quelque chose, puis il t'ostine, c'est parce qu'il voit quelque chose que tu vois pas ou tu vois quelque chose qu'il voit pas. Mm-hmm. Donc, avoir confiance en l'intelligence des gens, ça veut dire on se donne l'information, puis après ça, on va travailler à faire cette affaire-là. Puis ça, c'est beaucoup au bureau ici. Puis il y a un aspect familial aussi dans cette affaire-là. Donc, dans l'idée, le bon enfant, d'avoir du fun à avoir à faire ça. Puis l'avantage, c'est qu'on ne shippe pas, nous autres, au mois de décembre, le 12. Ouais, ça, c'est vrai. Vous donc, gold, si t'aimes t'aime le rush, là, tu sais, un peu de l'adrénaline, puis t'as piqué dans les yeux. Non, non, c'est correct. Il y a un trip à la production parce qu'il y a quelque chose où tu sais, t'as un livrable de tout ça. On a ça, mais c'est pas le même beat. L'idée, c'est nous, c'est be reliable, puis on va être là avec toi. Donc, on a, tu sais, 4 releases par année. Quand ton tool est prêt, il embarque dans une release, puis il roule. Fait que c'est un mode marathonien. C'est pas un mode sprint. Mais c'est constant. C'est ça. Donc, il y a un peu moins de folie au niveau du ouais. rush et tout ça. Mais c'est pas qu'il y a un manque de créativité, mais c'est un rythme qui est un petit peu plus... On va essayer, si t'aimes ça, sculpter ton outil puis prendre le temps de le faire comme il faut puis de donner ça, ben c'est vraiment une place où on fait ça parce que on est dans le domaine du jeu, mais on est un software company. On te fournit un outil pour les artistes, puis on va le maintenir, on va faire ça. Donc, il y a une approche hybride entre les software companies et les compagnies de jeu. Fait que je pense que c'est un beau mix. Puis le profil recherché, je dirais. T'sais, là, c'est sûr, il y a des mots qui sont sortis. T'sais, climat familial, l'entrepreneurship, ouais. La drive. Ouais. T'sais, le profil recherché pour des gens qui voudraient postuler chez Unity, ça ressemble à quoi? Premièrement, le goût de faire quelque chose, faire une différence, là, ça c'est sûr. Tu dis profil en entrepreneurial, moi c'est cette espèce d'idée de pas d'indépendance, mais de t'es autonome ou t'as une idée, t'es créatif, t'as quelque chose à faire. Puis il y a de la place parce que ça veut pas dire que systématiquement parce que t'as une idée que c'est cette idée-là qui va être faite. Fait que l'autre aspect, c'est le fait que tu comprends qu'on travaille ensemble, tu sais. Puis là, c'est le travail d'équipe, c'est vrai, on a entendu ça 1000 fois, là. Mais les stars loner tout seul, je suis le meilleur, ça m'intéresse pas. Ouais. C'est pas le fun. Continue ton étoile filante. L'idée, on va le faire, on va faire ça, comment on fait ça. Donc, travailler dans cette ambiance-là, ça marche. Puis c'est ça qu'on cherche. On cherche ce fit-là tout le temps. Puis ça fait qu'aussi, quand t'arrives, ben, t'as ce fit-là aussi avec les autres gens autour parce qu'ils vont te donner un coup de main aussi. Puis on va trouver c'est quoi la bonne affaire qu'il faut qu'on fasse. Donc, c'est ça. Donc, le profil, c'est quelqu'un qui a envie d'être créatif, qui a envie de faire une différence, qui a une autonomie, puis qui sait travailler avec d'autres pour essayer de le faire, puis tu sais, avoir envie de faire une différence. Donc, il y a vraiment un aspect transformatif. Tu sais, j'ai été chanceux dans ma vie, avec Motion Builder, transformer des choses du domaine du film. On a créé un format de fichier qui s'appelait FBX à ce moment-là pour Filmbox. Puis ce format de fichier-là, maintenant, c'est le format 3D le plus utilisé. Puis tu vois, quand tu transformes des affaires, mais c'est un peu la même chose quand on rentre chez Unity, on travaille sur un outil de timeline, tu transformes ça, tu travailles sur du AR, du VR, tu es en train de transformer une industrie. On sait pas trop ce que ça s'en va, mais c'est là que ça se passe. Fait que ça, c'est... Fait que c'est pas juste de livrer le prochain titre précis ou la suite. C'est on affecte la possibilité de quasiment tous les jeux qui vont utiliser l'engin. Oui, c'est un peu ça qui me surprend, parce que on s'en venait, je pensais qu'on s'en allait parler d'engin de jeu, puis je t'entends parler un peu, puis t'as plugué le AR, des affaires comme ça une couple de fois, puis je réalise ah, ok, ouais, c'est... Je pense pas assez big. Ben, c'est ça qui est... Ok, je viens de catcher, là. C'est ça qui est le fun des discussions comme ça, puis ouais. Écoute, merci, parce que c'est le genre de discussion qui nous allume, nous autres, au collectif, c'est sûr et certain, puis j'imagine que les auditeurs aiment aussi. C'est pas juste, Unity est un engin qui fait X, etc. C'est un peu, c'est le thinking en arrière, c'est le mindset, l'attitude, l'aspect anthropologique, l'aspect, tu sais, c'est ce genre de discussion-là que je trouve intéressante. Puis c'est super le fun d'avoir eu l'opportunité de venir faire ça avec vous autres. Ouais, c'est une belle discussion qu'on a eue. Puis j'ai une dernière question pour toi, puis je te l'ai pas posée depuis le début, puis il y a une raison pourquoi je voulais le faire à la fin. C'est quoi ton titre chez Unity? Hein? j'ai deux chapeaux. J'ai le chapeau montréalais, donc c'est Montreal Studio Head, donc en charge du fait qu'on a des bureaux ici, puis il y a de la brique, des bureaux, puis que les gens puissent manger le midi. ça, c'est le bon bout. Puis t'as un autre bout, je suis Development Director pour Features, donc tout ce qui est ce que j'écrivais un petit peu plus tôt. Fait que j'ai mes deux chapeaux. Fait que c'est sûr qu'au fil de la conversation, là, vous écoutez, c'est la fin de l'émission, vous avez peut-être douté un peu des titres d'André, mais c'est important pour moi de le positionner à la fin, parce que je voulais pas que les gens associent tout de suite les idées puis le mindset à un titre égal. Mm-hmm. Là, on a découvert l'individu, l'attitude un peu d'Unity, puis là, on voit vraiment que, tu sais, on parlait tantôt d'une approche bottom-up, ben, tu sais, même en haut, c'est des passionnés qui sont encore là, des gens qui ont fait leur carrière, pas nécessairement tout le temps dans le jeu vidéo, mais qui sont arrivés là. Moi, je trouve ça super intéressant. Un gros merci d'avoir été avec nous autres ce soir. Ouais. Rick, je ne sais pas si tu avais de quoi que tu voulais rajouter en terminant. Non, pas en tout. Je suis bien content. Tu dis souvent notre client, c'est le créateur, puis leur client, c'est le joueur. Tu vois-tu quand même que chacun des joueurs, c'est un client potentiel? Naturellement, bien sûr, oui. Parce que moi, c'est un peu ce que j'aime de l'approche de Unity, puis de l'approche de bien des outils. Bien des compagnies qui s'en allent à l'essayant des outils, c'est l'accessibilité de la création. Absolument. Puis les jeux vidéo, je trouve que ça a commencé les jeux vidéo où un gars pouvait coder ça en 24 heures, puis d'un coup, il vendait 7 millions de copies pour Atari en 68, en 78. Puis on dirait qu'on a perdu la vue. Mais ça revient. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait triper le plus. Puis j'aime qu'il y ait des compagnies comme vous autres qui sont concentrées pour redonner les outils dans les mains des gens qui veulent vraiment créer de quoi, là. Ça, c'est important. Puis tu sais, moi, je me disais, tu sais, quand tu regardes des Minecraft, des trucs comme ça, tu te dis, créer le jeu, jouer le jeu, ça commence à être intéressant quand t'es plus trop sûr de quel bord. Ben ouais, exact. C'est vraiment le fun, ouais, c'est ça. Mais ce qui est cool, c'est que suite à une discussion comme ça, premièrement, je pars la tête pleine, puis là, ça bourdonne, c'est le fun, ça, c'est signe que c'est un bon épisode. Deuxièmement, je pense que l'avenir du jeu vidéo, il va être vraiment cool. Il y a des belles technologies qui s'en viennent. Il y a des gens passionnés qui travaillent en arrière de ça. Tip of the iceberg, man, je le dis tout le temps. Ouais, on a aucune idée, là, on commence. C'est le moment de la shameless plug. Fait que les gens qui voudraient entrer en contact avec Unity, qui voudraient voir les perspectives d'emploi, qui voudraient suivre les progrès, je sais que vous avez une belle page Facebook, justement, qu'on va continuer de partager. Oui. On va partager les communications. Sinon, site Internet, les trucs comme ça, c'est Unity 3D, puis on poste, tu sais, on poste nos jobs à cet endroit-là. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé, venez-vous, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous parler. Donc, par le site, là, c'est vraiment la meilleure façon. Cool. Ben, merci beaucoup, André. Merci. Geek Collectif, le podcast, ben, ça nous a fait plaisir d'être avec vous ce soir. Les gens sur le live, malgré le petit accro audio, malheureusement, ben, le kit sur la route, on ne l'a pas sorti depuis un bout, mais on va s'en servir, c'est sûr et certain. La bonne nouvelle, le fichier en version audio top qualité sera disponible sous peu sur legeekcollectif.com. Eric, les gens qui voudraient te rejoindre, on te rejoint Ben, Eric, Montréalien sur Facebook comme toujours, puis Arcade MTL, on commence notre mois de Nintendo là, la semaine prochaine. Là, je reçois une Switch puis tout. Là, j'ai hâte là, pour commencer à faire là, des compétitions de Switch là, au bord. Là. Hey, ça va être super. One two Switch, ça brosse, ça va être le fun. Perfect. Et les gens qui voudraient entrer en contact avec moi, André Paquette, sinon Uzumaki QC sur pas mal toutes les plateformes qui existent. Achetez-moi, je suis bien friendly. Et sinon, ben geekcollectif.com pour le podcast. Et si jamais vous avez deux, trois petites secondes, ben une cote d'une étoile, cinq étoiles, trois étoiles, peu importe le nombre d'étoiles, mais iTunes, ça nous aide au bout à se faire connaître, sinon du référencement, puis partager les épisodes, c'est pas mal la meilleure manière que vous pouvez utiliser votre monnaie sociale pour donner un peu de gaz dans le tank, et ça nous fait plaisir d'être avec vous à chaque fois. Donc, les gens sur le stream, un gros merci d'avoir été avec nous, on va se quitter à l'instant, et on se revoit dans deux semaines pour un prochain épisode. Bonne soirée!